Chapitre 36e. Lorsque Madame Bastien, son mari et l'huissier entrèrent dans la salle à manger, ils y trouvèrent David et Frédéric. Celui-ci échangea un regard avec son précepteur, s'approcha de Jacques Bastien et lui dit d'un ton respectueux « Bonjour mon père. J'ai cru que vous vouliez rester seul avec ma mère, voilà pourquoi je me suis retiré dès votre arrivée. Il paraît que vos vapeurs ont passé. » dit Bastien à son fils d'un ton sardonique, « et que vous n'avez plus besoin de voyage d'agrément. C'est dommage, car je vous en mitonne, moi, de l'agrément. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mon père. » Au lieu de répondre à son fils, Bastien, toujours debout, s'occupait de compter les assiettes placées sur la table. Il en vit 5 et dit rudement à sa femme, « Pourquoi 5 couverts ?»« Mais, monsieur, répondit Marie, parce que nous sommes 5. »« Comment 5 ? Moi, Bridoux, vous et votre fils, ça fait 5 ?» « Vous oubliez Monsieur David, » dit Marie. Jacques, s'adressant alors au précepteur, « Monsieur, je ne sais pas à quelles conditions ma femme vous a engagé. Quant à moi qui suis le maître ici, je n'aime pas avoir d'étrangers à ma table. Voilà mon caractère. » À cette nouvelle grossièreté, le calme de David ne se démentit pas. Le sentiment de l'injure lui fit monter au front une rougeur involontaire, mais il s'inclina sans mot dire et fit un pas vers la porte. Frédéric, les traits colorés par l'indignation et par la douleur que lui causait ce nouvel outrage fait au caractère et à la dignité de David, s'apprêtait à le suivre. Mais à un coup d'œil suppliant de son ami, il s'arrêta. À ce moment, Marie dit au précepteur « Monsieur David, Monsieur Bastien ayant disposé de votre chambre pendant quelques jours, voudrez-vous bien consentir à ce que l'on vous dresse un lit dans la chambre du vieil André? Nous n'avons malheureusement pas d'autre logement. » « Rien de plus simple, madame, » répondit David en souriant. « J'ai l'honneur d'être un peu de la maison, c'est donc à moi de céder à un étranger la chambre que j'occupe. » David, s'inclinant de nouveau, quitta la salle à manger. Après le départ du précepteur, Jacques Bastien, n'ayant aucunement conscience de sa grossièreté, se mit à table, car il avait grand faim, malgré la sourde colère qu'il ressentait contre sa femme et contre son fils. On prit place. Jacques Bastien avait à sa droite Bridoux, à sa gauche Frédéric et en face de lui Marie. Les angoisses de la jeune femme ne faisaient que changer de sujet d'une seconde à l'autre. Jacques allait s'apercevoir de la disparition de l'argenterie. Un nouvel incident suspendit encore cette révélation. Jacques Bastien, enlevant le couvercle de la soupière, dilatait d'avance ses larges narines afin d'aspirer l'arôme de la soupe aux choux qu'il avait demandée. Mais voyant son attente trompée, il s'écria, furieux, en s'adressant à sa femme, « Comment ? Pas de soupe aux choux ? Et je vous avais écrit que j'en voulais manger. Il n'y a peut-être pas de gigot à l'ail non plus ?»« Je ne sais, monsieur, j'ai oublié. Tonnerre de Dieu, femme, allez !» s'écria Jacques furieux, en jetant si violemment sur la table le couvercle de la soupière qu'il se brisa. À la brutale exclamation de son père, Frédéric trahit son indignation par un brusque mouvement. Aussitôt Marie, prenant sous la table la main de son fils, placée à côté d'elle, la lui serra d'une manière si expressive qu'il se contint, mais son vif ressentiment n'avait pas échappé à Jacques. Celui-ci, après un long coup d'œil jeté silencieusement sur son fils, dit à Bridoux « Allons, mon compère, il faut nous contenter de ce potage lavasse. »« La fortune du pot, mon vieux, » dit l'huissier, « la fortune du pot, on connaît ça. » « Voyons, » reprit Jacques, « disons au moins notre bénédicité avant de manger. » Et il versa un rouge-bord à Bridoux. Après quoi il vida presque le restant de la bouteille dans un verre énorme, dont il se servait d'ordinaire et qui tenait une pinte. L'Hercule obèse avala d'un trait cette rasade, puis, se disposant à servir la soupe, il mit la main sur une cuillère de fer fort bien étamée et brillante de propreté. « Pourquoi diable a-t-on mis là cette cuillère à peau ?» dit-il à Marie. « Monsieur, je ne sais, » répondit la jeune femme en baissant les yeux et en balbutiant. « Je... Pourquoi ne pas mettre sur la table ma grande cuillère d'argent comme d'habitude ?» demanda Jacques. « Est-ce parce que mon compère Bridoux vient dîner ici ?» S'adressant alors à son fils, il lui dit brusquement, « Prenez la cuillère d'argent dans le buffet. »« C'est inutile, mon père, » dit résolument Frédéric, voyant l'angoisse de sa mère et voulant détourner sur lui le courroux de son père. « La grande cuillère d'argent n'est pas à la maison, non plus que les autres couverts. Hein »« Hein ?» fit Jacques avec stupeur. Mais n'en croyant pas ses oreilles, il saisit le couvert placé à côté de lui, y jeta les yeux, et convaincu de la vérité des paroles de son fils, il resta une minute hébété par l'ébahissement. Frédéric et sa mère échangèrent un regard à cet instant de crise. Le jeune homme, fidèle à sa pensée d'attirer sur lui seul le courroux de son père, reprit résolument « C'est moi, mon père, qui, sans prévenir ma mère, ai vendu l'argenterie pour « Monsieur !» s'écria Marie en s'adressant à Jacques. « Ne croyez pas, Frédéric, c'est moi, moi seul, qui... Eh bien oui, c'est moi, qui fait vendre l'argenterie. » Malgré cet aveu de sa femme, Jacques Bastien ne pouvait encore croire à ce qu'il entendait, tant la chose lui paraissait exorbitante, impossible. Bridoux lui-même partageait sincèrement cette fois la stupéfaction de son ami. Aussi l'huissier rompit le premier silence en disant à Jacques « Mon vieux, ceci est une autre affaire que la vente de ta sapinière. » La jeune femme s'attendait à une explosion terrible de la part de son mari. Il n'en fut rien. Jacques resta muet, immobile, et réfléchit assez longtemps. Sa large face empourpra plus que de coutume. Il but coup sur coup deux grands verres de vin, s'accouda sur la table, appuya son menton dans la paume de sa main gauche dont les doigts crispés tambourinaient convulsivement sur sa large joue. Attachant alors sur sa femme ses deux petits yeux gris, qui brillaient sous ses sourcils froncés par un plissement sinistre, Jacques reprit avec un calme apparent « Vous disiez donc que l'argenterie... »« Monsieur, voyons parler, vous voyez bien que je suis tranquille. » Frédéric, par un mouvement instinctif, se leva et alla se mettre debout à côté de sa mère comme pour la protéger, car la tranquillité de son père l'effrayait. « Mon enfant, rassieds-toi, » dit Marie à son fils d'une voix douce et tendre. Frédéric revint s'asseoir à sa place. Ce nouveau mouvement de Frédéric avait été observé par M. Bastien, qui se contenta de redire à sa femme, sans changer d'attitude, et en tambourinant toujours convulsivement du bout de ses gros doigts sur sa joue gauche, « Vous disiez donc, madame, que l'argenterie, que mon argenterie... »« Eh bien, monsieur, » reprit Marie d'une voix ferme, « votre argenterie, je l'ai vendue. »« Vous l'avez vendue ?»« Oui, monsieur. » »« Et à qui ?»« Un orfèvre de Pontbriand. » »« Qui se nomme ?»« Je l'ignore, monsieur. » »« Vraiment ?»« Ce n'est pas moi qui ai été vendre cette argenterie, monsieur. »« Et qui donc ?»« Peu importe, monsieur, elle est vendue. » »« C'est juste. » répondit Bastien en vidant de nouveau son verre. « Et pourquoi l'avez-vous vendue, s'il vous plaît, cette argenterie qui m'appartenait à moi seul ?»« Mon ami, » dit tout bas Bridoux à Jacques, « tu me fais peur. Fâche-toi, crie, tempête, rugis. J'aime mieux ça que de te voir si calme. Ton front est blanc comme la nappe et plein de sueur. » Bastien ne répondit pas à son ami et reprit. « Vous avez, madame, vendu mon argenterie pour acheter quoi ?»« Je vous avais supplié, monsieur, de m'envoyer quelque argent, afin de venir au secours des victimes de l'inondation. « L'inondation !» dit Jacques avec un éclat de rire sardonique. « Elle a un fameux dos, l'inondation !»« Je n'ajouterai plus un mot à ce sujet, » répondit Marie d'un ton digne et ferme. Un assez long silence suivit cet entretien. Évidemment, Jacques faisait un effort surhumain pour contraindre la violence de ses sentiments. Il fut même obligé de se lever de table et d'aller à la fenêtre, qu'il ouvrit malgré la rigueur du froid, afin de rafraîchir son front, car de méchants desseins bouillonnaient dans la tête de cet homme, mais il voulait encore les tenir cachés. En reprenant sa place à table, Jacques jeta sur Marie un regard étrange, sinistre, et lui dit avec un accent de satisfaction cruelle « Si vous saviez comme ça me va, que vous ayez vendu mon argenterie, c'est un vrai service que vous m'avez rendu. » Quoique l'ambiguïté de ses paroles causât quelque inquiétude à Marie, et qu'elle fût alarmée du calme incompréhensible de Jacques, elle éprouva un allègement momentané. Elle avait craint d'abord que M. Bastien, cédant au brutal emportement de son caractère, ne s'oubliât jusqu'à en venir aux injures, aux menaces, en présence de son fils, et que celui-ci ne s'interposât pas violemment entre sa mère et son père. Sans adresser davantage la parole à sa femme, Jacques but un verre de vin et dit à son compère « Allons, vieux, nous allons manger la pâte froide avec des couverts en fer battu. C'est la fortune du pot, comme tu dis. » « Jacques, » dit l'huissier de plus en plus effrayé du calme de Bastien, « je t'assure que je n'ai guère faim. »« Moi, je dévore, » dit Jacques avec un ricanement sardonique. « C'est tout simple, la joie double toujours mon appétit. Aussi, dans ce moment, j'ai une faim de vautour. » « la joie !» dit l'huissier en hochant la tête. « Tu n'as pas l'air joyeux du tout !» Et Bridou ajouta, en s'adressant à Marie, comme pour la rassurer, car malgré sa sécheresse de cœur, il se sentait presque ému de compassion. « C'est égal, allez, madame, le brave Jacques fait de temps en temps les gros yeux et les grosses dents, mais au fond, il est... »« Bonhomme !» ajouta Bastien en se servant à boire. « Si bonhomme qu'il en est bête !»« C'est égal, vois-tu, mon vieux Bridou, je ne donnerai pas ma soirée pour 50 000 francs. Je viens de réaliser un bénéfice magnifique. » Jacques Bastien ne plaisantait jamais sur les questions d'argent et ces mots « Je ne donnerai pas ma soirée pour 50 000 francs », il les prononça avec un tel accent de certitude et de contentement que non seulement l'huissier crut aux mystérieuses paroles de Jacques, mais que Madame Bastien y crut aussi et sentit augmenter sa secrète épouvante. En effet, le calme affecté de son mari qui, chose bizarre, presque effrayante, pâlissait à mesure qu'il buvait davantage, son sourire sardonique, ses yeux brillants d'une sorte de joie funeste, lorsque de temps à autre il regardait Frédéric et sa mère, portait à son comble l'angoisse de la jeune femme. Aussi, vers la fin du repas, dit-elle à Jacques, après avoir fait signe à Frédéric de la suivre, « Monsieur, je me sens fatiguée, un peu souffrante. Je vous demande la permission de me retirer avec mon fils. »« À votre aise !» répondit Jacques avec un rire épais et déjà assez aviné. « À votre aise !» « Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ne vous gênez pas. Je ne me gênerai pas non plus, moi. Soyez tranquille. Patience. » À ces paroles ambiguës comme les premières, qui cachaient sans doute quelques mauvaises arrière-pensées, Marie, n'ayant rien à répondre, se leva, tandis que Frédéric, obéissant à un regard de sa mère, s'approcha de Jacques et lui dit respectueusement « Bonsoir, mon père. » Jacques se retourna vers Bridou, ne répondit pas à son fils, et dit à l'huissier, en toisant Frédéric d'un coup d'œil ironique, « Comment le trouves-tu ? Fort joli garçon, ma foi. »« 17 ans bientôt, » ajouta Jacques. « C'est le bel âge pour nous, » ajouta l'huissier en échangeant un regard d'intelligence avec Jacques, qui dit rudement à son fils, « Bonsoir. » Marie et Frédéric se retirèrent, laissant à table Jacques Bastien et son compère Bridou.